ton amour à la gomme. Ça me fait rigoler, moi j'ai des ailes aux pieds. Ah c'est super, s'envoyer en l'air, ça c'est super. Oh, ah c'est super, s'envoyer en l'air, ça c'est super. Oh, ah c'est super, s'envoyer en l'air, ça c'est super. Ah super, c'est super, c'est super, c'est super. C'est comme ça que va la vie. Mon Gaétan, on t'est placé où tes émissions, là? Eh bien, on va demander à Rénal. Ben là, il est dans quelle stratosphère actuellement, le Rénal? Ben, le Rénal, on le cherche. On le cherche. C'est son émission. Ça s'appelle comment? Ouf, mon doux. On l'a déjà dit, peut-être Flatulence Rénaldienne. Flatulence, ouais, ça flatule. Ouais. Hey, là, on a tout préparé. Puis là, il nous amène-nous-les, les émissions. On les a! Là, voulez-vous qu'on les place dans le fond, en avant, sur le côté, on les empile, on les met à l'ori, à la vertie, à la lie, à la loue. Ah, mon Dieu. On a peut-être son ami qui va nous guider. Son ami, ouais, mon Dieu. Il n'y a pas d'amis, lui. Il y a des ennemis qui peuvent se transformer en amis. C'est un peu comme le caméléon. Qui? Un caméléon. Là, on dit bonjour, mon ami, puis là, quand il s'en va, c'est un escroc, c'est un ça va. Alors, on l'a ici, au bout de la, sur le CB. Oh, on a un petit CB, ouais, oui, écoute-moi ça. T'es-tu là, mon ami? Je sais pas. on doit faire affaire avec un hurlu-berlu semblable. Ben là, on n'a pas le choix. Tu es un ami de Réal? Je sais pas. Bon. OK. Alors, ça, on m'a dit que c'est toi qui allais prendre l'intérim parce que l'autre n'est pas arrivé. Est-ce que c'est... Je sais pas. Tu sais qu'il fait une émission de radio? Je sais pas. Ouais, mais attends, là, j'ai pas fini. mon petit incertain, là, excuse-moi, là, j'ai pas terminé. Là. Tu sais pas quand une phrase est finie, hein? Je sais pas. Non, il y a un point final. Un point. Si tu le vois pas, le point, on va t'en donner un. Non, mais c'est violent. Non, mais on peut pas non plus. Regarde un insignifiant de même. C'est lui qui remplace l'animateur. C'est quoi cette émission-là? Savez-vous, là? Je sais pas. Non, je sais pas. Hey, on a amené trois camions. Ça, c'est tout simple. On arrête ça. Non, c'est... On n'a même pas commencé. OK. C'est aussi important qu'un spectacle de Pink Floyd. Pink Floyd. Tu sais, Pink Floyd. Hey, c'est bon, Pink Floyd. Ben oui, c'est bon. C'est bon, Pink Floyd. Ah oui, ah oui. C'est Pink Floyd. Eh, monsieur. Je pense qu'on t'a... On t'a endoctriné, mon petit champion, là. Pink Floyd. Ouais, t'es pire que l'autre qui dit... Ben, c'est la même chose, hein. Hey, essaye de faire un Québécois de qualité avec ça, là. Essaye de former un peuple intéressant qui va combattre contre les défenseurs, là. Avec un... Je sais pas. Pink Floyd! Hey, on les place en arrière, ceux-là. Il faut les véritables, les gens qui vont braquer, qui vont dominer, qui vont dire le Québec pas le... Je sais pas. En écoutant Pink Floyd! Là, je me demande là si on a déjà diffusé à l'émission Errance. Ah, il est revenu le Renal! Oh mon Dieu, ouais! Mais c'est pas moi qui va vous dire comment placer les choses là. Ben c'est parce que j'ai pris le micro, hein, j'ai pas eu le choix. Le personnage rénalien est apparu comme ça. Ma thérapie n'est pas terminée. Ça fait 8 ans qu'elle est. Oh. On a rencontré des thérapeutes, oh, formés, pas formés, désinformés, surtout désinformés. Ils se mêlaient, ils savaient pas si c'était Lacan, Nietzsche, Hegel. Ah oh, bon, hein? Freud, ah, oh, c'est dans le Foucault, dédoublement, la théorie de la persona. Oh mon Dieu, c'est qui ça? Ça a pris 2 semaines et demie à mon ami universitaire qui était en arrière d'une barre à clous puis d'un, comment t'appelles ça, d'une boule de VR. En fait, je vois pas au BR, c'est parce qu'il était en train de revendiquer. Là. Écoute, faut bien dire ce qu'il faut dire. Quand on n'a pas les mots, on a la violence. Là, t'sais. Quand on n'a pas, on trouve. Quand on n'a pas, on fait, on met le peuple en otage. L'otage, c'est... Pink Floyd! Je sais pas. Ben ouais, c'est ça. Alors là, hey, on a 3 casiers, mon cher ami, des gros casiers, là, c'est comme des copeaux, des copies, des copies. C'est pas... Oh non, on n'a rien copié, monsieur le professeur. Nous ne sommes pas des, comment tu les appelles ceux-là, des personnificateurs. Des personnificateurs, c'est pas ça, voyons donc. C'est des troubles-fêtes, des troubles-fêtes. Allons-y donc, nous ne sommes pas de cet acalbi-là. À quelqu'un. Ah, moi, c'est des calcaires, de la calcaire. Ah, mon Dieu. Et le sel, c'est... Qu'est-ce que ça fait du sel, du calcaire? Ah, mon Dieu. Les vicaires font du calcaire. Non, ils font des prières. Ah, mais c'est pas la même chose, hein? Calcaire, prière. Non. Dromadaire non plus, c'est une bosse, hein? Puis chameau, c'est 2 bosses. Et quand on le traite de chameau, tu te prends pour un lama puis tu craches dessus. Hey, c'est quoi cette affaire-là? Là? C'est, ça vire dans l'humour, ça vire dans... Alors, on t'a placé où tes émissions? Ben, il faut demander à mon contremaître. Contremaître? Je sais pas. Ah oui, on va te placer contremaître, OK? Alors, sois maître de toi. Prends sur toi ou prends sur nous. Moi, j'ai de l'abondance de graisse, alors prends sur moi. T'es mec, toi, là. Qu'est-ce que tu bois pour être mec de même? De l'eau rénale. De l'eau minérale? Minérale. Oh, mon Dieu. Et puis les petits roues, ben les roues viennent à volonté. Et puis l'eau minérale, ah, oh, c'est très, très, très contingenté. Bon, ben c'est bien ça. Ah, oh, je m'étoufferai pas avec ça. Moi, là, une bulle par jour. Une demi-goutte par semaine. Oh, ouais. C'est la distillation. Là, on a 3 vannes. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je sais pas. Écoute, là, on t'est place à la verticale. OK? On a 550 émissions. On a placé ça dans les boîtes. C'est en version sonore. Si tu ouvres les boîtes, les mots vont s'échapper. S'il vous plaît, regardez le petit ruban adhésif qu'on a mis sur le dessus. On a indiqué des dates. Exemple, là, OK, rapidement un exemple, OK? T'es-tu prêt? OK, j'étais sur mon bateau. Ce 6 juillet, aujourd'hui, 6 juillet, ça, c'est dans le milieu, là. Donc, il y a 6, il y a 17, 15, OK, juillet, puis après ça, avant ça, il y a juin. T'es obligé d'enlever la caisse de ce moment précis, de ce moment charnière de notre existence, 6 juillet. Là, si tu fais tomber toutes les autres boîtes, ça va s'ouvrir. Tous les mots vont s'éparpiller. Puis là, tu seras dans l'obligation de retrouver les boîtes dans lesquelles les mots doivent aller. Ah, mon Dieu. Doivent aller. T'aller. Tu dois les étaler dans la boîte et refermer avant que la première sonorité surgisse. Ah, mon Dieu. C'était peur, hein, ça? Aïe. Ça, entre ça et les films de Frankenstein, c'est la réfrigérateur, c'est rien à voir. rien à voir. Tu vois plus clair. C'est comme si la lumière est allumée, mais que tes yeux étaient fermés. Ça donne rien, il fait noir. Hein? Si les lumières sont fermées, tes yeux sont ouverts, c'est la même chose. Il fait rien, il fait noir. Hein? Faut qu'en même temps, là, quand il y a de la lumière, faut que tes yeux soient ouverts. S'il n'y a pas de lumière, tu peux les fermer. Repose-les un peu, là. Bon. Tu sais, dans une journée, 24 heures, là, si tu les fermes 3 heures, il n'y aura pas de problème. Ils vont se réouvrir, là. Hein? Ils vont être moins rouges, moins gonflés, moins avec moins de cernes en dessous, là. Hein? Bon, tu viens de comprendre le petit principe, là? Ben, merveilleux. Là, maintenant, c'est de l'exécuter. C'est ça qui est difficile, hein? On connaît tous les principes de la société, tous les principes de la vie pour être heureux, pour vivre en santé. Mais on les suit pas, sauf les normaux, là. La normalité. Ah, faut bien manger. Quel groupe alimentaire? Il y en a 5 aujourd'hui, 5 groupes alimentaires. Il y a le sucre, il y a le chocolat. Il y a la graisse. Il y a la quoi, donc? Il y a de la soupoute. Non, c'est la graisse. Il y a aussi du nectar. Du nectar, non pas d'abeille, mais qui nous pique la curiosité parce qu'on en boit-tu du nectar? Ah, bon. C'est pas du vrai jus, là, hein? C'est de la boisson. Boisson, de la boisson aromatisée. Aux fraises, aux kiwis. On fait-tu de la publicité en disant ça, Fresque? Oui, ben là, je trouve que le CRTC va revenir contre vous, mon cher ami. C'est-à-dire que la protectrice de la connaissance générale va... Ah, oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Ah ben, oui, vous allez être taxé. Oh, ben, j'ai déjà été taxé en 2011. Là, ça n'a pas de bon sens. Hey, je paye des taxes, moi, là. Le pauvre citoyen moyen, au salaire moins que minimum. Et c'est pour ça que j'aimerais vous lire un livre de Prévert. Pas un livre... C'est un de mes textes, alors c'est très court. Mes livres, moi, là, quand je fais des nouvelles, c'est 10 pages gros max. Là. Quand j'ai écrit 10 pages, j'ai tout expulsé, j'ai tout purgé. Là. Ça fait passer les émissions que vous voulez. Là. On est déjà en train d'en préparer une. Oui, mais les boîtes. Ben, les boîtes. Fermez-les-vous, fermez-la-vous, la pharmacie, pharmaciseur. Prévert, parce que ça concerne Prévert, là, le texte que je vais vous lire. Ça, c'est décousu. Non, c'est pas décousu. C'est décousu. C'est décousu. Décousu. On recourra. On recourra au fil et à la manipulation des mots lorsque le moment sera venu. Est-il venu? Quand l'été sera dépourvu. Bon, okay. Prévert. Avons-nous de Prévert? C'est beau avec de l'écho, hein, ça. Mais la création... En mouvement. Ça bouge, ça tourne. C'est la terre qui tourne. Okay. Prévert. Verdoyant poète. Déjà là, on peut s'arrêter. Non, il faudrait continuer. Non, verdoyant. Comment un poète peut être verdoyant? OK, écoute-moi bien. Si tu m'arrêtes au quart de tour, là, je risque de te galipoter le visage. Galipoter, qu'est-ce que ça veut dire? Non, tu ne sauras même pas la signification. Tu vas connaître la reconnaissance iconique de ce mot que je viens d'inventer. Alors, parce que c'est un jeu de mots, il faut comprendre tous les jeux de mots. Prévert, moi, j'ai bloqué sur le vert. C'est pour ça, verdoyant, OK? Je ramène. Puis Prévert, c'est pas un électricien, là. Prévert, C'est un parounechou. Mais c'est ça. Alors, arrêtez-vous, monsieur, madame, mademoiselle, je sais pas qui, là, mais arrêtez-vous. OK, on s'arrête. J'aspire par mener comme un cochon. Vous, pour qu'on me... Bon, je me sens comme un... Prévert. Verdoyant poète aux mille silhouettes. Silhouette narrative. Il active sur les mots une mobilisation de signification. Prévert. Père de tous les chemins imaginaires. Prévert. Merveilleux magicien de lumière. Bravo, Renald! Quel âge avais-tu lorsque tu as composé ce texte? 8 ans, 9 ans, 12 ans? J'avais l'âge que j'ai maintenant. Oh mon Dieu, ouais, t'as du rattrapage! Merci, j'aime bien faire du pédalo, mais sans pédale. Bon, ben écoute, ça va bien. Merci de m'avoir écouté, cher professeur. Non, c'est institutrice. En tout cas, professeur. Non! Institutrice! Mais c'est... Professeur? Non, institutrice. Et c'est... Oui, madame. Oui, madame, OK. Monsieur, mais vous êtes bien gentil pour moi. Très, très gentil. Je suis douce à marier. Oh, mon dos, douce à marier. Même pas un petit coup de papier sablé à passer sur vous. Ben non, tout le monde a passé sur moi. Tous les papiers sablés, oui, tous les... Tous les papiers sablés sont rassemblés un jour pour me faire de l'amour. Me faire de l'amour. Monsieur le Président, on va y en faire de l'amour. Là. On a 350 dans le four, s'il vous plaît, madame. On va lui en faire, on va lui montrer c'est quoi de l'amour. Ah, oh, mon Dieu. Surtout quand tu coupes, hein? Coupe-moi la tranche d'amour. Putain, la pure jute. Monsieur le Président, ça, c'est plus on a d'amour, plus il y a de la... Ah, c'est comme des dindes. Monsieur le Président. Ah ouais, ma dinde, OK. Ma dinde, non, mon poulet pas de tête, oui. Ben, poule pas de tête, poule pas de tête, poule pas de pote. Pote, pote, pote, pote, pote, pote, pote. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, et vous, chers résidents et résidentes impédiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance rénaldienne. Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à Errance rénaldienne. C'est bon. Déjà, le public applaudit. Là, les entendez-vous? Entendez-vous le public chanter comme au sommet? Voulez que vous étiez à mon émancement? Et à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? C'est déjà fait depuis 23 minutes et nous voilà si longs dans mes caves, on s'en va avec des... L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. J'aime ça chanter comme ça. On ne va t'étirant avec d'autres qui fuient et mourir non les mains. Et si vous les avez, nous avons les enfants qui vont rémanciter devant l'émancité. Je vous entends comme une nuit de poussière, je vous entends bramer comme une île maloum, je vous entends famer avec des antimorts. Absurde aventure, c'est beau, hein? Peux-tu me répéter les paroles? Oh mon Dieu, je vous emmènerai comme un habit de foudre. Hey, je vous habiterai comme un habit de foudre. Arrête l'écho, là. Je vous habiterai comme un habit de foudre. C'est ça de la poésie. Là. C'est ça. Ça descend. Ça monte jamais, ça descend. Et ça remonte. Un peu comme la chanson où ça descend et ça remonte entre tes mains. Alors, l'absurde aventure de l'errant, c'est pas ça du tout, hein? Non, c'est... L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble. C'est pas compliqué, hein? Un grand succès planétaire, c'est ça. Grand succès planétaire francophone. Tu fais juste... C'est fini, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même l'Esquimau. Dans sa crème glacée, là. Non, c'est pas ça, un Esquimau. Ben oui, c'est... Non, mais l'Esquimau en Iskoumi. Oh, mon Dieu. Non, c'est dans le Nord. Non, oui, l'Iskoumi, c'est dans le Nord. Il reste juste 3 personnes dans l'Iskoumi. Puis là, quand l'Iskoumi va fermer, c'est ici où ils vont s'en aller. Ils vont aller, ces petits Esquimaux-là, qui habitent en Iskoumi. Oh, mais arrête, non, c'est de la mauvaise nouvelle. C'est de la très mauvaise nouvelle. Les Esquimaux d'Iskoumi n'iront pas en Abitibi. N'auront pas d'alibi. Parce qu'on va les avoir chassés, là, comme on chasse les Indiens, comme on chasse tranquillement les Esquimaux en Iskoumi. Comme on a déjà chassé Alice Koumi, la grande chanteuse Alice Koumi, qui en a fait une grave maladie, qu'on a enfermée dans des maisons de repos et que même les maisons ne voulaient pas se reposer lorsqu'Alice Koumi était là. Parce qu'elle chantait constamment « Alice Koumi, amassé à Miron, Alice Koumi. » Puis là, comment une maison de repos peut se reposer en entendant Alice Koumi? C'est toujours merveilleux. C'était la fête constamment. Puis quand c'était une maison de repos, on ne peut pas faire la fête. une maison de repos. On doit se s'endormir avec la pilule. S'endormir avec la pilule. Pas de pilule, là. Mais s'endormir, c'est une maison de sommeil profond. C'est pour se ressourcer, c'est pas pour chanter « Alice Koumi, Alice Koumi ». Il faut passer, on est déjà en retard. Aujourd'hui, le vendredi 6 juillet 2012, l'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste Sophie. Sophie, c'est tout d'abord une voix, et quelle voix? De celle sur laquelle un diamant s'est posé pour l'érailler avec classe. Classieux. Classieux, comme pourrait dire. Alors, Sophie, c'est aussi surtout un incontestable talent de chanteuse et d'auteur-compositrice. Daniel Lavoie, Elliot Murphy, Slim Batteux, j'ai bien dit Slim Batteux, notre ami Slim Batteux, et Al Sanders ont consigné, et co-signé, consigne quand on veut signer, on co-signe. On co-signé quelques-uns des titres de ce superbe opus. Pas de panique. Pas de panique, il nous les faut. Au plein de nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers et tous les yeux. J'ai pas mis la caca, mais la macasse. Si vous m'attendez 30 secondes, on peut-tu? On va pouvoir, on y va. Non, c'est OK, c'est pas une... Merci, OK. C'est mon entraîneur qui me dit que couper là. Oh, alors donc, Sophie captive par sa voix, mais aussi la chaleur de ses compositions. En juillet 2011, CKRL et Errance Rénaldienne se trouvaient à Paris avec cette demoiselle. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Laissons la musique nous enchanter. Of pink in the pattern on the left lapel of my dressing gown, creatures on the carousel of my living room. Oh yeah, on y va tout le monde. You try and tell me what you're thinking, your life, a violet that is shrinking into the left lapel of my dressing gown, spinning on the carousel of my living room. Oh yeah. Bigger thinking, not just these elephants of pink in the pattern on the left lapel of my dressing gown, creatures on the carousel of my living room. Et toi, dites-moi quelque chose, tu es là, comme un marbre rose, aussi placé que le place. De me smoking aussi pas que le plafond du living room. Thank you. trop fort de dose. Des éléphants roses, des araignées sous le plastron. De me smoking, de sauve-souris au plafond. Du living room. D'où tu sors? Je sais même plus comment on s'est trouvé sur Facebook, mais... Grâce à la musique. Oui, oui, c'est bien. Allez, chin, tiens. Ben oui, allons-y donc. Parce que c'est des choses qui se font, ça. Et voilà, ben oui. À la France et au Québec, et exactement. À la chanson, à la musique. Et... à tout ça. À tout? À tout. À tout. C'est un très bon rosé, j'y ai goûté avant-hier. D'accord. Alors, je fais confiance. Non mais alors. Non, il est très bien. Écoute. Oui, hein. Il tient la route. Bon, mais il se tient comme on dit. Il se tient, okay. Il se tient tout seul comme un grand garçon. Bon, alors tout est bon. On est prêt. Oui, donc j'ai vu que c'était Radio Québec, c'est ça? Ça s'appelle, non? C'est non. C'est CKRL. CKRL, voilà. Okay, la... Non, mais parce que c'est au Québec. Et puis c'est oui. À Québec. Oui, c'est voilà, la c'est plus vieille radio là. Francophone communautaire au monde. D'accord. Qui est née en 73. Et les Français, les Suisses, les Belges sont venus voir comment on faisait notre radio pour, en 79, ouvrir les premières radios libres en France. Alors, la première radio se trouve chez nous. D'accord. Chez nous, dans ma ville. Donc, c'est encore plus... Et ma radio. Donc, et encore... ta radio. Et c'est ma radio en tant, que, oui. En tant qu'animateur. Et membre fidèle de CKRL. Alors, chose intéressante, c'est que nous, Martinez, c'est un nom et non pas un prénom. Ah ben oui, moi aussi, moi c'est mon nom de famille, Martinez. Okay. Sauf que c'est pas du tout... Tu sais, quand t'es sur Facebook, t'es obligé de mettre ton nom. C'est-à-dire que j'ai une page artiste qui est juste Sofaille. Okay. Et en tant que privé, si je puis dire, j'ouvre un compte avec Sofaille Martinez, qui est mon nom de famille. Quoi. Voilà. Mais, ok, lorsque tu fais des spectacles, c'est pas Sofaille. Ouais, okay. C'est vraiment ça, quoi. C'est Sofaille okay, and the Sweet Talkers, ce qui est le groupe, quoi, qui m'accompagne. Sofaille, c'est... C'est mon prénom. Qui vient de... Ça vient de Sophie, bien évidemment. Oui, mais de quel endroit? Mais alors, c'est surtout... Je l'ai trouvé tout seul. Oui, voilà. Non, sans non, roser, non. Sans roser. C'est surtout que ça fait... On m'a baptisé comme ça quand j'étais au collège. Ah, je pensais que c'était un surnom. Non, c'est un surnom qu'on m'a donné, Sophie. On finissait tous les mots qui finissaient en I, joli, jolai, Sophie, Sofaille. Alors, tu es né à quel endroit? Région parisienne. Ah, ok. Ok, t'es voilà. Une pure et... Alors, je suis une pure sans être une pure, parce que je suis originaire... Enfin. Mes parents, mon père est né en Algérie et il est corse. Un truc qui ne veut rien dire. Alors c'est quelqu'un qui... Qui a du tempérament. Oui, qui a du tempérament, j'allais dire. Oui. Non, il est plutôt doux et tranquille. Un des rares voilà. Corses, doux et tranquille. Voilà, doux et tranquille. Et, l'info, hein. Et ma mère est auvergnate, avec des origines ch'timi. Oh. Le truc qui ne veut rien dire aussi. Ben non. Et avec un tempérament, par contre... musclé. Ah. Et moi, je suis un mix de tout ce bordel. Ok, ouais, c'est merveilleux. De tous ces brôles-là. Okay. Voilà. Et ça donne une fille qui grandit en région parisienne, c'est vrai. Et tu as une formation de musicienne ou au contraire, tu es autodidacte? Alors, je suis autodidacte, mais par contre, je fais partie d'une famille. Mon père est un musicien amateur. Il joue quel instrument? Piano. Et surtout, il joue de l'orgue tous les dimanches à la messe. Voilà. Okay. Donc j'ai fait toutes les diverses chorales du village où j'ai grandi en région parisienne. Et puis j'ai baigné dans un univers musical alors très classique. Et même si je ne suis pas du tout, j'ai pas du tout de goût pour la musique classique. Mais Gershwin, Chopin, Beethoven. Et ben de loin. Ok. Ah, voilà. Ok, c'était feutré. C'est-à-dire que moi, je me suis imprégné sûrement de tout ça parce qu'il y avait que ça qui passait à la maison. Mais je suis incapable. C'était quoi de... France Inter, mais oh, classique. C'était surtout des disques okay. Qui passaient. Fait des aéroplanes en repliant et dépliant d'agences de voyage genre Cook où l'on peut voir des pin-up à gros seins New Look sur fond d'azur de Louisiane. Elle est marrante, c'est une fan du Captain Cook. Elle a sur lui tout un pressbook, aussi sur Tarzan, dont elle est folle, comme Jeanne. Je la vois assez l'enlacer, et lui, de liane en liane, pousser son cri en volapouc, du côté de Pernambouc. Et moi, Chita le singe, leur cavaler au cul dans la savane. Idiote, tu rêves, tu planes, me traite de fauché, de plouc, de minable, d'abominable bouc. Qu'importe, injures un jour se dissiperont comme volutes de gitane. Sumo, Almeria. initials be, initials be, initials be, be. Deuxième fois, on dit une dernière fois. Une dernière fois. C'est une dernière fois. Ben oui, mais ça se termine pas. C'est écrit après la dernière portée. Bis, bis, c'est deux fois. Bis, c'est deux fois. Bis, c'est deux fois. Tu continues? Tu connais rien au solfège. Tu connais? Oui, moi, je connais le solfège. Je me protège sur le solfège en disant oui, oui, oui, oui, j'en maîtrise quelques portées, sans trop de portées. Il faudrait quand même apporter quelques réflexions sur ce que vous venez de dire. Ah, mon Dieu! Hey, j'ai préparé il y a quelques mois, et quand je dis quelques mois, c'est 3-4 mois et demi. Oh mon, est-ce que c'est les demi? 3-4 mois. Et demi. Oh, les demi, j'ai pas dit l'ennemi, j'ai dit et demi, et puis l'ennemi. L'ennemi, il est là, l'ennemi. Non, non. Et demi. Et c'est en fait, j'ai appelé ça un sac de démarrage. Et comme je sens que l'allumette est bien craquée. Oh, oh, oh, tu penses que l'animateur est bien craqué. Ah, oh, ben là. Pas très compliqué de craquer cet animateur-là. Là, tu dis bonjour, puis il part pendant deux semaines là, sur des sentiers peu fréquentés. Heureusement! Ouais, sinon, il ne serait pas ce qu'il est. C'est... Ça, j'aime te l'entendre dire. Ben, j'aime aussi me l'entendre dire. Ben, écoute, il faut mettre ça au clair. Donc, on va prendre quelques minutes. Oh non, on ne peut pas. On va le prendre quelques minutes. C'est vrai que si tout le monde était spécial, les gens qui sont spéciaux ne pourraient tirer leur épingle du jeu puisque tout le monde se trouverait dans cette, sous ce manteau de l'excentricité intellectuelle, langagier, artistique. Heureusement que la majorité, excuse-moi, j'ai bifurqué ma langue vers ce qu'elle devait pas fréquenter, là, tu sais, des réflexions étranges, bizarres, non évoquées par mon esprit, mais tout simplement apportées par les mots. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, c'est ça, c'est heureusement que la majorité s'endort dans la normalité. Ben merci, je vous applaudis. Là, ça. Monte le son, Gaétan, monte le son. Ben, on l'a au coton, mais mets de l'écho. Ah, bravo. Restez dans la normalité. Lorsque vous allez voir des gens plus extravagants, là, vous direz, hey, ça fait peur, c'est spécial. Oui, c'est spécial. Alors ici, j'ai... merci, on est éclairci. Oui, surtout qu'il fait noir. Hein. Ben là, cette heure-ci, c'est normal, là. Minuit moins, une heure moins quart. Une heure moins quart à Saint-Dilon, il n'y avait pas grand... Dans ce sac-là, c'est un sac, comme je l'ai dit tout à l'heure, de démarrage. Tu t'en souviens? Ben oui. Pour le moment, je m'en souviens, là. Mais je te dis que dans trois semaines, je sais pas, je sais plus. Il y a un mot qui devrait m'alimenter pendant au moins 8 heures. Oh, l'émission! L'émission va prendre de l'aile ou un plomb dans l'aile ou descendra dans les... stratosphère non réfléchie par l'humanité tout entière. Alors, le mot, rouage, OK, c'est un bout de phrase, c'est quelque chose, c'est une allumette que je frotte. C'est rouge comme l'artichaut. Ça, là, ça de... quand je l'ai écrit là, à l'époque, là, ça devait m'allumer. Rouge comme l'artichaut. Ben, c'est certain qu'on peut pas être bleu comme une allumette. L'allumette doit s'enflammer. La couleur du feu, c'est l'enfer. L'enfer, c'est nous. L'enfer, c'est comme disait... C'est pas Satire qui me disait ça. Non, c'est... Non, tu tombes avec le musicien, Satire. Satire pas fort. Satire pas fort. Le grand poète Satire pas fort. Nous avait amené en 1943, avant que la platane tombe sur Camus. Pas l'anus, mais Camus. Albert Camus. Camus le prépuce. Dans l'intimité, sa copine l'appelait Camus le prépuce. Ah, c'était tout à l'heure. Oh, c'est des beaux moments qu'il faut se souvenir, là. Hein? Camus avait... Et à un moment donné, il s'est endormi, la platane, bang, bing, bang, bing, bon. Ça réveille. La platane, ça réveille, mais de l'autre côté. On a franchi le miroir. Et t'as-tu vu, il n'y a pas grand-chose, là. On a franchi le miroir. C'était quoi le mot? C'était le rouge comme rouge comme l'artichaut. Hey, on a parlé de platane, on a parlé de surréel. Si vous aimez la psychologie, tout ce qui est étrange, surnaturel, pas scientifique, là, tout ce qui frétille tout l'imaginaire collectif, les fantômes, les fantômes. J'aimerais qu'un fantôme descende ici ce soir. Là. Entre mon micro, s'il te plaît. Je te laisse deux micros. Je te laisse 2 minutes. À mon micro. Ah ouais, fantôme, descend. Ah ouais, vas-y. Ça existe, là, regarde, on va en faire descendre. Vas-y. On va attendre 2 minutes. Vous allez voir que si les fantômes existent. On va éclaircir des situations, là. On fait des émissions d'imbécilité précoce, là. Depuis plusieurs années. Ah, les fantômes. Ça descend pas fort, hein? Si vous y croyez, j'espère qu'aujourd'hui, vous êtes en train de prendre votre... Hein, comment t'appelles ça? Avec les petits bonbons au bout, là. Ben, c'est pas un bonbon. Comment t'appelles ça? Un chalumeau? Ben non, c'est pas un chalumeau, c'est un... Pour prier, là. Mon doux. Un chapelet! Un chapelet chalumeau. Ben oui, ça commence par... Ben, c'est vrai. Dans les deux cas, c'est... C'est comme un chou, hein. Que le poil dressé, le dos rond. Chercher l'erreur. Chapelet. Chalumeau. Hey, je suis pas fou! Ben, un peu. Ben. Alors, il n'y a pas de grand fantôme actuellement. Heureusement que je meuble, là, moi, là. Alors, s'il y a un exercise ce soir, là, j'aimerais que les diabolomantes, comme le chantait la douce, la sublime, la chanson diabolomante, là. Diabolomante dans ma bouche. Non, c'est... comment qu'elle s'appelle, non? Et bon, c'est qu'elle la diffusait dans les années 80. Incroyable. Elle était intensément diffusée. Je me rappelle plus son nom. Elle a aujourd'hui 60 ans. Mais en tout cas, bref, c'est pas, je vous le dirai lorsque mes lumières s'allumeront. Là, malheureusement, je suis sur la veilleuse la plus intense. Une vraie torche. Et je nommerai pas la torche. Bon, mais vous voyez qu'il n'y a pas de incantation, là. Le son s'est rendu, tout est normal, ma caméra n'a pas pété, il n'y a pas d'ombre qui a passé autour, ça passera pas à des émissions de psychologie. Donc, on vient de conclure que les fantômes, ça n'existe pas. Pouf! Tout explose, il n'y a plus de son, il n'y a rien. Bon. Oh, on a le droit de se tromper, là, madame. Hein? Ça fait quoi? Ça fait 45 ans que je crois au fantôme. Ben oui, votre mari est pas mort. Oh, mon Dieu! Donc, vous l'avez mis dans votre... Oh, mon Dieu! Vous avez aspiré, là, tellement fort qu'il est rentré dans le trou. Oh, mon Dieu! C'est ça, c'est... On vous a incriminé, non? Ah, mais on va vous incriminer. Vous allez passer à une autre émission de télé, là. C'est un tueur, une tueuse maritale. Y en a-tu des tueuses maritales et des tueurs maritaux? Non, c'est Clamato, t'es Clamato. Y en a, pourquoi pas? Oh, il tue pour l'assurance. Y en a-tu des imbéciles qui s'assurent? Arrêtez de vous assurer. Ils vont vous tuer pour votre argent. Moi, j'ai pas de maudite scène, moi, là. J'ai toutes les gars assez cohérentes. Ma carte de membre, mes vêtements, la seule chose que j'ai... Il y a deux choses que j'ai pas, parce que j'ai trouvé ça un peu gênant et surtout très, très intime. il est intimidant. C'est mes bas, B-A-S. Ben, pourquoi tu dis bas, B-A-S? On sait que bas, c'est B-A-S. Non, non, mais parce que les gens pourraient dire en haut, en bas, mais mes bas. Mmh. Mes chaussettes. OK, c'est bien, mes chaussettes. Et mes sous-vêtements. Oh, je veux pas créer une odeur nauséabonde dans la station de radio, puis que tout le monde dise « Ah, ben voyons donc, vous l'avez, c'est le corps et dans la station. » « Oh non, c'est ses sous-vêtements. »« Ah, pas lavé, jamais lavé. »« Oh, mon Dieu Seigneur. » Enfin, il y a toujours une discothèque à la maison chez mes parents qui est énormissime, à savoir, je ne sais pas, doit y avoir plus de, plus de 1000 albums de classiques. Ouais, mon père est un fou furieux de Maria Callas et d'opéra. Et donc voilà, il y a toujours eu beaucoup de... Et puis alors on écoutait la musique, c'est-à-dire il n'y a jamais eu une musique d'ambiance où on met un disque et puis on fait on la écoute, bouffe. On s'arrête. Non, c'est chez moi, c'est religieux. On s'assoit. C'est religieux. On s'assoit pour écouter de la musique. Okay. Donc j'ai gardé ce truc-là, même dans mon côté un peu rock'n'roll, folkeux et déglingué, blouseux. Okay. C'est-à-dire alors, quand on me fait... Toi, ok, vas-y. Ouais, quand on me fait écouter un truc, il faut que je me concentre. On s'arrête. Okay. Moi, je m'arrête. Et puis quand je fais écouter quelque chose à quelqu'un, ça m'énerve quand on fait autre chose. Alors je suis capable, comme tout le monde, de mettre la radio et déplacer trois pommes de terre, oh, ouais, et je sais pas quoi. Mais ouais. Je veux dire, quand on me demande d'écouter quelque chose et de dire ce que j'en pense, par exemple, je sais pas quoi, c'est vraiment un truc de concentration. J'ai besoin ça demande une réflexion. Voilà. Une réflexion. Exactement. Mais même pas une réflexion, je trouve que c'est un respect. C'est comme quand tu vas voir un spectacle, tu te lèves pas toutes les deux secondes pour aller épicer, boire un coup, commander peut-être dans les bars, un fish and chips ou je sais pas quoi. Je sais pas, tu t'assois puis t'écoutes. Si tu t'emmerdes, tu t'en vas. Mais au moins tu restes, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure pour écouter et dire ça m'a plu, ça m'a pas plu, pourquoi ça m'a pas plu si on te le demande ensuite. C'est, je sais pas, c'est un truc de respect par rapport à la personne ou aux personnes qui sont en train de jouer, quoi. Que ce soit du théâtre, que ce soit un film, que ce soit voilà, de la musique, c'est, je sais pas, c'est un truc, voilà, j'ai été éduqué comme ça. On s'assoit et on écoute. Voilà. Le respect musical. Ouais, ouais, c'est ça. Tout à l'heure tu disais folk, rock. Et tu énumérais plusieurs styles. Est-ce que c'est ce que tu fais, toi? Ouais. Moi, j'ai vraiment baigné... Folk? Alors... Non. OK. Non. Folk? Alors, très les folk. Les racines. Ouais, les racines, c'est le folk. Moi, je suis folk et rock. Et après, avec le blues qui est venu un petit peu plus tard, mais moi, j'ai écouté beaucoup... Alors, j'avais une famille, on va dire, de cœur, d'adoption, un petit peu, qui m'a déglingué mon côté classique précieux de chez mes parents. Et chez eux, justement, on écoutait beaucoup de rock, de machin, de trucs comme ça. Et ben, ça écoutait Elvis, ça écoutait... Il y avait le grand frère présumé qui avait une dizaine, quinzaine d'années et qui écoutait Pink Floyd, qui écoutait Led Zepp, qui écoutait Clapton. Progressif. Voilà, qui était très Genesis, machin, etc. Donc j'ai baigné là-dedans quand j'avais 2, 3, 4 ans. À côté, si je peux dire, de la musique classique. De la musique classique. Donc c'était en parallèle. Exactement, c'était ma nounou. Mm. C'était les enfants de ma nounou qui avaient une dizaine, quinzaine d'années de plus que moi et qui, eux, étaient en plein dans les années 70. En plein plongée. Voilà, en plein revival de ces trucs-là. Woodstock, ça sentait le Woodstock. Voilà, exactement. Et moi, j'ai baigné étant gamine là-dedans et c'est ça qui m'est resté plus que la musique classique. Et c'est vrai que les premiers albums que j'ai achetés, c'est les albums d'Elvis. Parce que j'ai eu un coup de cœur et je me suis rendu compte que... Il y avait beaucoup de chanteurs français qu'on idolâtrait en France. John et Johnny, les Eddie Mitchell. Les Eddie Mitchell et les Dick Rivers. C'était les trois, on va dire, rockers. Dick Rivers, voilà. Oui, la banane. Tous les trois avaient la banane. Donc les trois bananiers français. Les trois bananiers dans leur bananier. Oui. Bon, c'est pétri de reprises d'Elvis, de Bill Haley, de choses comme ça, quoi, de ces gens-là, de Gene Vincent. Et ça a été le déclic. Moi, à 6 ans, j'ai vu un film, j'ai vu le... Jealous Rock, Rock Duban, ouais, Delrus. Et ça, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il chante bien, qu'est-ce que c'est bien, quoi, tu vois. Puis il bouge bien. Voilà, ouais. C'était magnifique à cette époque-là. Quoi, alors, donc, bref, tu étais amoureuse d'Elvis. Voilà, ça a été le déclic. Je me suis dit, voilà, ça a été le premier 45 tours que j'ai demandé. Je pense que ça doit être le Elvis, le Jealous Rock d'Elvis. Et puis ma première guitare, elle est venue un peu plus tard, vers 12-13 ans. fils. L'essence et le sang. Et le gros réservoir. Je pose sur le frein. Le majeur et l'index. Je fonce sans complexe. Lancé sur mon engin. Tu n'as pas froid aux yeux. La vitesse est ton dieu. Tu montes dans les tours. Sans penser à ce jour. À cet instant, figé. L'essence et le sang. Tu te verras tomber. Arraché à ta selle. L'essence et le sang. Dans un feu d'étincelle. Le majeur et l'index. Je fonce sans complexe. Lancé sur mon engin. Love me, oh. Hey Joe! Laisse-moi pas être seul, mon Joe! C'est moi, mon petit Joe! Hey Joe! I wanna go away, weenie, weenie, woey, meenie, money, moey, peenie, money, moey, wee. OK. Là, ici, excusez-moi. C'est le succès. C'est comme le buffet de l'incontinent, c'est à volonté. Tu sais, les repas où on paye à l'entrée, on vous donne et on vous redonne la même assiette. vous pénétrez, aïe, non, mais je suis frappé sur la, il y avait une petite marche. C'était, vous devriez, monsieur, le restaurateur, indiquer qu'il y a une marche. Je me suis cogné la tortille là-dessus, là. Le troisième mot de la tortille m'est rentré dans l'œil, puis je me suis crevé l'œil. Mais c'est pas grave, je reviendrai pas contre vous. Je vous aime, je vous embrasse, je vous lèche le banc. Monsieur, ouais, madame la restauratrice, excusez-moi, je pensais que vous êtes restaurant, mais quand j'ai vu que vous aviez des... Ben, je me suis dit que... Bon, hein, c'est ça. Ah non, vous aviez des admirateurs. J'ai vu qu'autour de vous, là, plein de serveurs vous servaient à volonté. Des « Ah, vous êtes jolie ce soir, vous sentez la Pamela ?» que se cache sous la Pamela, là, vous avez dit la même chose que d'habitude. Travaille, toi, là. Travaille, travaille, puis arrête d'être comme l'abeille qui tourne autour de moi. Je connais la chanson. La mélopée me résonne dans l'oreille, me bourdonne, comme les abeilles, là. C'est le lien, l'abeille bourdonne. Hein. Continue à travailler, je te paye, travaille, je te paye, travaille. Si je te paye plus, travaille plus. Mais là, je te travaille, ouais, ouais, travaille, travaille, travaille. Il n'y a pas de client, donne des assiettes à tout le monde, là. Donne des assiettes, là. C'est ta volonté, les assiettes. Alors, vous payez 25$ à l'entrée, vous vous cognez le pied, ben oui, parce que la marche, là, vous dites à la restauratrice, « Madame la restauratrice, vous êtes très jolie. » Ben oui, ouais, travaille, ben oui, je suis un client. Oh, alors mangez, mangez, mangez. Elle, c'est travail ou mangez. Si vous êtes un si vous êtes un employé, pour elle, là, c'est travailler. Si vous êtes un client, c'est manger. Ah ouais, il y a deux verbes, là, travailler ou manger. Alors moi, je suis un client. Donc, elle me donne l'assiette. Elle dit, mais allez manger. Là, vous donnez 25$ puis manger à volonté. Mais là, manger à volonté, ça me semble tout à fait étrange. Comment je peux bouffer, moi, là? Si c'est de la grande bouffe, là. Comment je peux le faire? Jusqu'à exploser comme les mites, comme les pites, mani pites, amala macha la marche, ring! Hanamaring ring! Hanoui! Doami arinisting! Non, comme les Mighty Python! Les Mighty Python dans le film Le sens de la vie, là, ils l'ont trouvé le sens, eux autres. Exploitez-le le sens, là, jusqu'à l'unisson. Vous allez le voir, vous allez le voir, vous allez l'avoir. Quoi? L'incohérence de l'existence, c'est là. L'incompréhension, là. Moi, là, il y aurait quelque chose qui m'allumerait le titillement cérébral. Hey, si c'est à volonté, il doit y avoir quelque chose là-dedans, là. Ben, il y en a, on dilue pas la paye. C'est 25$, hein, ça me coûte quand même 25$. Ben oui, ben oui. 25 belles pièces. Oh mon Dieu, en plus c'est pas de la, c'est de la belle pièce. Oh, c'est de la très belle. Oh, c'est de la 1943. Ça a fait la guerre, mais juste assez là. C'est pas trop usé. Ça a pas, ça a appartenu à trois curés qui sont morts. Mais attendez, avant de mourir là, je te donne mon billet, puis là comme ça, et un après l'autre. Et troisième curé, ben là lui, il s'est retrouvé en prison parce que je peux pas vous raconter l'histoire. Il y avait des servants de messe. Ah, c'est ça. Il y a la soutane. Ah, ben, en fait, l'ADN. Dans la soutane, il y avait trois, quatre servants dans la soutane. Ah, bon, c'est malheureux, malheureux, malheureux. Ils ont vendu l'église. C'est devenu un restaurant. Dégueulé à volonté. Ah, on te donne une assiette. Alors, c'est là, l'assiette, c'est pour remplir et l'autre, c'est pour régurgiter. Là, hein? Il y a deux assiettes. Là, c'est 25$, là. Vous mangez ce que vous pouvez. Mais je peux pas grand chose, moi là. Hey, ma femme, hier, c'était mon anniversaire. On veut pas savoir. Non, non, je vais vous le raconter. Vous êtes la restauratrice. Ouais, mais très peu, hein. Mais comment ça? C'est écrit Didiane à volonté. C'est vous, ce Didiane? Oui, vous êtes à volonté, à volonté. Vous vous étirez à volonté. Vous êtes amoureuse à volonté. Vous m'aimez à volonté. Bon, donnez-moi 25$. Oh! Ça, là, ça me rappelle ma petite Viviane, il y a 15 ans. Oui. J'étais en voiture. Oui. Je roulais en voiture. Oui. C'était la nuit. Oui. J'étais dans le quartier, dans la ville de Québec. Oui. C'est où ça, Québec? Ben, c'est dans le quartier de Québec. Oui. Non, c'est la ville de Québec. Oui. Dans le quartier de Limoilou. Oui. C'est où ça, Limoilou? Limoilou, Limoilou, loup, loup, loup. Plus il y a de loups, plus nous sommes dans Limoilou. Alors, quand vous pénétrez dans la ville de Québec, lorsque ça fait... Aou! Aou! Ben, vous êtes à Limoilou. Si vous faites... Si ça fait... Vous êtes toujours à Limoilou. Si vous entendez... Voleur! Voleur! Voleur! Oui, oui, oui! Vous êtes à Limoilou. En tout cas, partout à Québec, vous êtes à Limoilou. Et donc, je roulais à Limoilou, dans la ville de Québec. Lorsque tout à loup, tout à queue, tout à queue, il y a une jeune fille, une poule pas de tête qui regardait en avant, en arrière, je m'en est stressée, elle est sur le gros nerf. Que dois-je faire pour la satisfaire? Mais là, j'ai dit pas moi que. C'est pas elle que je dois. On doit me satisfaire, moi, là. Je me sens mal à l'aise, là, dans ma vie. Ça fait 20 ans, là, que je suis avec la même. Halluciné maintenant, puis dulciné au début. Là. Ça fonctionne plus. Puis là, pour pas qu'il y ait de chicane, vu, tu vois, je vais pas, bon, OK. Fait que là, je roulais. Puis là, je vois la jeune fille, là, qui tournait comme une poule pas de tête. Là, elle me voit, elle fait des grands... Elle me voit, elle fait des signes. Ah! J'ai dit, mon Dieu, elle veut m'arrêter. C'est la policière, c'est une policière, mais il n'y a pas de voiture, il n'y a rien, elle n'a pas de flingue. Mais elle avait, au lieu du fusil, un condom. À qui? Un condom. C'était très condescendant entre elle et moi. Donc, je l'ai fait pénétrer. C'est moi, au début, qui l'ai fait pénétrer dans mon véhicule. Mmh. Nous partîmes. Oh, mon Dieu, il y avait de la musique. C'était les Stooges. Oh, dans la musique. Attendez-vous, les Stooges? Non, il n'y en a pas. Ben, j'espère qu'il n'y a pas de voiture. C'est dans l'imaginaire, hein? Ah, je connais pas ça. Ben, oui. À Limoilou, dans l'imaginaire. OK. Alors, on tourne. Il y avait elle. La demoiselle là, que je dois respecter parce qu'elle est respectueuse et puis elle ne me respectait pas, elle cherchait partout. Qu'est-ce qu'il a volé? Il n'y a rien à voler, toi là. Ben oui, je suis un policier. Elle a dit, la police, arrête-moi là, je débarque. Non. Je suis un policier, là. On va jouer des jeux de rôle. Disons que toi, t'es la péripatéticienne. La quoi? La péripatéticienne. La quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, la fille sans rue. Oh mon dos, oui, je suis dénudée. Oh, ben, pas maintenant, là, mais attendez, c'est pas là dans le scénario, là. Mais jouer la péripatée. OK. Et puis moi, je vais jouer au policier. OK. Ça, c'est des jeux de rôle, ça, là. Ben, n'ayez pas peur. Je vous montre ma carte. Je suis un innocent. Ah ben oui, garde-moi ça, c'est indiqué. Ticule innocent, ben c'est moi le ticule innocent. J'habite un petit peu plus loin à Charlebois, mais j'habite là. Mais là je viens ici parce que mon épouse veut plus, puis là je pense que vous vouliez vous tourner. Ben oui, je tournais comme le grand tournier. Ah mon Dieu, la girouette. J'aime ça le cri. Avez-vous ça? Bon. Et il faut se mettre dans l'imaginaire, là. Ah, mais je suis pas dedans. Bon, OK, on va vous laisser au truc. We'll be right back. piano parce que mon père m'a appris le piano. Et puis le problème c'est qu'il y avait que des guitares héros dans ma chambre. Des guitares, avait... ça existait à l'époque. Ben il y avait, tu sais, il y avait, j'étais une fan. Alors moi j'ai eu ma crise, j'ai eu d'abord Elvis, ensuite vers 7-8 ans, je suis tombée amoureuse d'un groupe qui s'appelle AC/DC. Donc là, j'ai versé dans le truc un peu plus hard rock, machin, où ça gueulait, etc. Où ça gueulait bien. Le type avec un pied coincé quelque part, il gueulait pendant deux ans. Avec Bon Scott comme chanteur et tout ça. Tu l'aimais tu l'aimes toujours? J'aime toujours les premiers albums avec Bon Scott. Depuis qu'il y a Brian Johnson, aussi. Bon, voilà. Là-dessus, on est d'accord. Voilà, okay. J'ai pas pu aller au-delà Black in Black. Non, il y a quand même un minimum là, de respect. Mais bon, voilà, je suis toujours... j'aime autant. Hein. Ça m'a pas quitté ces premières années et tout ça. Et voilà, les premiers albums que j'ai achetés, c'est AC/DC. C'était tous ces albums... Qui t'ont formé. Qui m'ont formé, bah oui, parce que puis après tu sais on avait en France des chouettes émissions, dont une qui s'appelait Les Enfants du Rock, il y avait Sex Machine, il y avait Rapido avec Decaune et tout ça, et moi c'était toute mon enfance ça. Et ces gens-là faisaient vraiment découvrir, il n'y a plus ça maintenant, ça n'existe plus. Et moi ces gens-là m'ont fait découvrir plein de choses, quoi. J'ai écouté les Clash, on parlait de punk. J'ai écouté les Clash, c'est parce que je suis tombé sur Sex Machine. Je suis tombé sur le générique de Sex Machine, c'était James Brown. En 82, je suis tombé red dingue amoureuse de la folk music avec l'album Nebraska de Springsteen. Voilà. Quel album ? Ça, je me suis dit, album. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Tu avais quelque chose à faire. Ouais. Ton là, sillon. Ça a été. Je me suis dit, ça c'est ma. J'aime tout ce que j'ai entendu jusque-là, Elvis, ça, je renie pas tout ça, ça m'a nourri, mais ça c'est une ligne majeure. Non, mais, monte, voilà. Monte. Et là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça a été le déclic, quoi. Je me suis dit, c'est ça, c'est mon truc, ça, c'est ma cam. Et deux ans après, je l'ai vu sur scène, en France, j'avais 14 ans. En 88, 80... Pour la tournée, quelle? New York et USA, là? New York et USA? Ouais. Okay. Ouais. Et j'ai vu cette tournée-là, et là j'ai pris une tarte, mais vraiment, une tarte, une baffe, l'aller-retour, là, ouais. Et là j'ai dit, ouah, purée, le mec, non seulement, il est folk, c'est un showman, c'est rock, c'est folk, c'est rhythm and blues, il a tout compris, il a toutes ses influences, donc il s'est nourri. Il se sent tellement à l'aise, surtout sur scène. Et puis c'était comme tellement dans son salon, généreux. Ouais. Quoi. J'ai dit, voilà, ça, je veux être Bruce Springsteen, c'est ça que je veux faire quand je serai grande. Ça a été le détonateur. Mais et à partir de là, j'ai plus, comme on dit, débandé du truc. Il y a 15 000 personnes, lui, devant lui, il est comme chez lui, dans sa cuisine. Et là, c'était à l'extérieur, c'était mon premier concert, en plus. C'était mon premier concert, et c'était... à la Courneuve, si je me souviens bien, et il y avait 85 000 personnes. Et ben ça fait du monde. Et quand t'as 13-14 ans, c'est impressionnant. Waouh. Il y a quelque chose à faire avec ça. Il y a du potentiel chez ce garçon. Nous en ferons quelque chose. L'avenir en témoigne. Et aujourd'hui, c'est devenu la méga vedette. C'est vrai qu'il est. Et puis depuis, ça m'a jamais quitté. J'ai toujours cette admiration pour ce bonhomme. Dans sa manière d'écrire, dans sa manière d'aborder les textes, il vieillit les bien, sujets. Hein. Je trouve qu'il a vraiment, il est classe, quoi. Il vieillit bien. Il est classe dans ses engagements, il est classe dans sa manière d'être sur scène. C'est toujours généreux. C'est pas devenu emprunt de je sais pas non, quoi. Non, non, non, je trouve que ça reste classe. Un gars d'avant-garde. Voilà. Ouais, et qui reste fidèle à ses racines. Je crois que c'est juste un truc de l'instant, du moment, et qui capte ça et qui sait capter. Et ça chez les gens aussi et les intéresser. Ça depuis qu'il fait de la musique probablement et c'est, je pense que c'est une de ses plus grandes forces parce que à 60 brouettes passées, il remplit toujours des stades et ses albums sont toujours aussi incontournables. Et voilà. Qui nous font des sourires comme on vise une cible. Mais ces millions d'endormis devant des séries lessives qui gobent des pop-corns en baisant des poupées lascives et toute cette ménagerie en pluche pour zapper flappy comme des baudruches. Méprisant, asphyxié en altitude et ses dirigeants plumés qui changeront jamais d'attitude. Quand on voit ces criminels racistes protégés par la police et la justice aux ordres comme les chiens de la milice, finies les discussions infinies et les dérivations en série. Marginale. Mes pensées s'envolent en latitude équatoriale. Merci, vous êtes toujours à Errance Rénaldienne, le saviez-vous? Bien là, on a demandé à Joe, attends, on va te le dire quand ce sera le moment. Et puis? Bien, c'est pas le moment. OK. Alors, on leur a demandé... Monsieur, vous pourriez faire un dessin? Je sais pas ce qui s'est passé, là, mais on parlait de Joe, puis là... Monsieur, vous pourriez faire un dessin? Mais moi qui ai un sans dessin, c'est très difficile de faire un dessin. J'ai pas de crayon, j'ai pas de papier, j'ai pas d'intelligence, j'ai pas d'imagination. Je ne suis qu'un animateur à l'émission Errance Rénaldienne. Et je remercie beaucoup CKRL de me diffuser parce qu'il y a absolument rien. Parce que tout est parallèle, monsieur. Monsieur, vous pourriez. Non, mais tout est parallèle, monsieur. C'est pas compliqué, cela, là. Tout est égo, parallèle, égo. On peut pas aller plus loin, égo, monsieur. Monsieur, vous pourriez faire un dessin. Mais pourriez-vous balancer une autre phrase, s'il vous plaît? Comme le disait, s'il vous plaît, c'est un nouvel atelier d'improvisation. Je suis tout excité comme une adolescente précaire. J'ai pas dit que toutes les... Non, j'ai pas dit... Attends, détendons les... Madame Tremblay, détendons les tendons. Ben oui, mais ça fait mal aux genoux. Ben oui, mais les genoux, il y a les coudes. Non, les coudes. Les coudes. Décousez les coudes. Quand le coup, tu passes plus dans la porte. Oui, mais le coup, tu passes plus dans la porte. Ben, c'est quand tu fais ton pantin Pinocchio. Pinocchio, quand tu l'as cousu trop serré, il peut pas d'écoute de rien. Là. Le nez va lui rallonger de partout. Ben, de partout, d'en haut puis d'en bas. D'en bas puis d'en haut. Mais ça dépend quel nez vous avez mis, madame. Vous, c'est quoi? C'est d'un nez. Un nez tributaire de son intelligence. Ah, mon Dieu, il va s'allonger très long. Très, très long. C'est un Pinocchio en bois. Ben, j'espère qu'il est en bois. Vous l'avez gossé? Je l'ai gossé. Il y a la pitoune. On a pris la pitoune, la pitoune, la bisoune, la minoune, la bisoune. Et puis, on l'a gossé. À un moment donné, c'est devenu comme disloqué. Puis, on a dit, oh, on va faire un pantin. Un Québécois pantin qui va faire des défilés, qui va aussi manifester, qui va se présenter devant toute la population, devant la télévision. Parce que c'est très télévisuel, un pantin, là. Ça tire n'importe quoi, ça sait pas ce que ça fait, puis ça tire, puis c'est heureux, puis ça réclame rien, puis à un moment donné, ben, on lui met un micro devant la bouche, puis il dit rien, c'est un pantin, là. Il n'y a pas de mots à dire. Il est froid, il est de bois. Alors, comme disait Nostradamus, ça n'a rien à voir avec le pantin Nostradamus, mais c'est un pantin. Qui c'est Nostradamus? Mais non, le pantin Pinocchio. OK! Alors là, c'est un nouvel atelier d'improvisation. On va l'arrêter l'émission. Là, moi, j'ai des chaleurs au niveau de la gazelle. La gazelle Washington. Il y a Boston, il y a Trois-Rivières, puis il y a Matane ici, là. Puis il y a aussi Brest. Si je me couche ce soir à Brest, c'est pas pour que tu me laisses, mais si tu me délaisses, tu verras, je serai un reste. C'est beau, ça! Hey, j'espère que Bio Lossec, Christophe et Christophe, on l'a lâché. Non, c'est Mio Lossec, Mio. Mio, Mio, si, Mio. Ah, on l'a lâché. Le Nostradamus m'a dit, enfin, il a balancé un mot, une phrase qui se dit, se plier à l'extravagance. C'est juste ça. C'est déjà beaucoup, là, hein? C'est de l'interprétation. Se plier à l'extravagance. Quelle belle élégance ce soir. En ce mois de juillet, le mois le plus coquet, normalement le plus chaud, normalement il ne pleut pas, normalement les gens sont à l'extérieur et ricanent. En prenant un verre d'eau glacée, une limonade glacée, un café glacé, et je suis glacé devant autant de glaçons. Je me plie pour remplir les verres, les doux verres, les poilus, les velus, les charnus, les coussus, merci monsieur, mais besoin de l'argent, moi, besoin de merci beaucoup. Et pour boire, pour manger, pour boire, merci, un pour boire, de la glaçon, pour boire. Merci beaucoup, merci monsieur, pour la postérité du Québec, merci. Pour l'avenir du Québec, merci. Si Québec voudrait, solide, merci. Et puis, pour merci. J'ai pété un câble, il était temps. Je suis sorcière maintenant. J'étais funambule à plein temps. Et je suis tombée dans les temps. Mes cheveux sont paille, c'est trop blanc. Je peux danser en rampant. Fini les étoiles et le vent. Je suis feuille morte à présent. Qui doute, je trouve ça beau. J'ai pété un câble, il est Je trouve ça absolument merveilleux et fabuleux d'avoir cette équipe qui suit depuis autant d'années. Hein. Depuis 45 ans, qui sont là et qui, tu les vois, on dirait qu'ils ont 15 ans sur scène, que c'est leur premier gig. On retourne à l'adolescence. Exactement. Donc franchement, ça a été, je vous dis, c'est vraiment une leçon. Et à chaque fois que je l'ai vu sur scène, à chaque fois que j'ai acheté un album qui sortait, etc., je me suis dit, à chaque fois je prenais une tarte en me disant, purée. C'est riche ce bonhomme, quoi. Il est riche. Il y a quelque chose à dire. Et puis tout ce qu'il a entouré aussi, parce que ça m'a emmené ailleurs. J'ai écouté Southside Johnny, j'ai écouté Tom Waits, j'ai écouté Kelly Jones, Johnny Mitchell et Crosby, Stills, Nash, des trucs comme ça. Ça t'emmène, tu vois, Nelly Young avec qui il a chanté aussi. Mm-hmm. Ça t'emmène sur tout un univers comme ça. D'abord très new-yorkais, parce que j'ai écouté Willie DeVille aussi, tu vois, des gens de vraiment de cette période-là et de ce milieu Atlantic City. De cet amalgame. Génération avec qui il s'est brassé, avec Jackson Brown. Mm-hmm. Et ça m'a nourri pareil aussi en disant, putain, non seulement lui il est bien, mais il a des potes qui sont super. C'est vraiment une famille musicale, et Bob Seger, tu vois. J'ai dit non, c'est vraiment un chouette truc. Et après, j'ai ouvert parce que ça t'amène sur d'autres choses. Quand je l'entendais parler, il disait j'aime bien le Whitman Blues et la soul, j'adore Sam and Dave. Tu dis, je vais écouter Eddie Floyd. C'est lui qui faisait ton éducation. Donc mais t'allais presque, voir, oui, t'allais parce voir. Parce que du coup, tu t'intéresses, tu dis, bon, ça me plaît pas. Oui, mais au contraire. C'est pas grave. Mais tu dis, oh purée, mais tu sais qu'est-ce pourquoi que il est devenu bien. Ça. Mais oui, c'est... tu dis. Il s'interdit rien, quoi. Il a aimé ces trucs-là. On l'emmerde pas aujourd'hui de dire pourquoi vous faites de la soul. Parce que j'ai envie. Pourquoi vous faites pas que du rock puisque vous êtes un chanteur de rock? Mais parce que j'ai envie de faire de la soul, j'ai envie de faire du rhythm and blues, j'ai envie c'est de faire ça, du rock, liberté. De la folk, du machin. C'est des ça trucs, la liberté. Tu dis, c'est quand même géantissime, quoi. Et les trucs de Woody Guthrie que j'ai écouté, les trucs de Pete Seeger. Qui se démodent pas. Voilà, hein. Qui se démodent pas. Tu dis, c'est des chansons universelles. Mm. Tu changes trois lignes parce qu'on va plus parler de la mule qui est tombée en rade. Mais tu vas on modifie juste des petits trucs, puis ça reste autant. Mais ça fidèle. Reste authentique, quoi. Tu dis, tu vois, cette chanson, la Pay Me My Money Down, du musicien qui va jouer dans un bar en disant, vas-y patron, ramène la monnaie, parce que là, je viens de jouer et j'ai besoin de bouffer comme tout le monde. Je dis, je l'ai vécu au quotidien, les premiers bars que j'ai fait, où tu fais la manche, tu fais passer le chapeau pour être payé à la fin, t'as un patron qui veut pas te filer à bouffer, Et tu dis, bon voilà, c'est des choses qui sont universelles, et tu grandis là-dedans. Et après, voilà, je me suis intéressé à plein d'autres gens. Après, c'est la Nouvelle-Orléans. Alors, la Nouvelle-Orléans, il y avait ce côté francophone aussi, qui m'intéressait de côté Bayou, machin, etc. Et ça, je trouvais ça riche aussi, cet amalgame des musiques importées, comme ça, ce brassage culturel. C'est comme ça que je suis tombé sur Dr. John, sur tu vois, des gens comme ça. Des incontournables. Voilà, les piliers, quoi, où tu dis, là, c'est ceux qui font la musique, quoi, qui font le... Qui influencent encore aujourd'hui. Voilà, exactement. Et tout ça, c'est resté en moi et ça m'a nourri profondément, quoi. Mais à quel âge tu as décidé de faire cette carrière-là, de te... Je crois que c'était sous-jacent tout le temps. Je crois que j'ai toujours eu... Mais tu as fini ton bac? Oh ouais, péniblement. Ok, en ramant. Mais après, tes parents t'ont dit... Oui, c'est ça, mais là, tes parents... Parti. Oui, mais tes parents, comment voyaient l'éventualité? Ah ouais, ben oui, une artiste, quelqu'un qui va chômer toute sa vie. C'est pas un boulot, déjà. C'est non, pas un métier. Non. Mais pour eux. Bon pour nombre eux. De gens... d'une manière générale, c'est pas un métier, c'est un passe-temps. C'est comme faire du sport. C'est ça, voilà, exact. Trouve-toi un boulot, voilà. Et après, tu, voilà. Pourras après, faire ce que tu feras ce que tu veux. C'est ça. Alors le leitmotiv, ça a été quand tu auras 18 ans, tu feras ce que tu veux. Passe ton bac, tu auras 18 ans et tu feras ce que tu veux. Bon, j'ai eu mon bac péniblement, j'ai eu 18 ans beaucoup plus facilement. Ok, ouais, ouais secret, son. It's something that they just can't face. Some folks, they spend their whole lives just trying to keep it. They carry it with them every step that they take. To one day, they just cut it loose. Cut it loose and let it drag you down. One more ask any questions, looks too long in your face. The darkness on the edge of town. The darkness on the edge. Other folks, they just get it any way, anyhow. Me, well, I lost my faith when I lost my wife. But those things don't seem to matter much to me now. 'Cause tonight I'll be on that hill. 'Cause I can't stop. Times wrong, and it'll hang out. presque 18 ans et quelques jours, je suis partie. J'ai fait ma valise. Tu es partie de chez toi? Ouais, je suis partie de chez moi. Pour te libérer. Ouais, parce que je voulais faire de la musique. J'ai dit, de toute façon, je ne ferai pas d'études, c'est pas mon truc. Je me suis mise dans une école de pub pour faire du graphisme, du dessin. J'ai trouvé ce truc-là parce que c'était quand même un truc un peu artistique. Et puis je me suis retrouvée dans cette école à faire du droit, à faire du marketing. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est pas ma vie. Je suis en train de me perdre là, en train de faire tout ce que je déteste. Mais en quittant à 18 ans, avais-tu déjà des textes? Avais-tu déjà écrit quelque chose? Oui, j'écrivais des petites poésies comme tous les mômes. Mais tu les chantais dans ta chambre? Oui, voilà, je gratouillais mon truc. Devant le miroir, petit. Et puis je suis partie, quand je suis partie, j'ai commencé. Tu avais du matériel déjà? J'avais un peu de matériel comme ça, mais de trucs vraiment probablement très inintéressants. Ouais, voilà. Fallait du débourrage de ouais. Mais après j'ai traîné les bars, c'est ça qui est venu. Ah oui, c'est là l'école. Oui, j'ai traîné c'est les bars et les clubs parce que je voulais tellement faire de la musique. Et moi j'arrivais à Paris. À Paris, je suis arrivée à Paris. Mais tes parents, t'étais originaire de Paris aussi? Alors non, j'étais en banlieue parisienne, okay. On va dire à une quarantaine de kilomètres de Paris, mais c'était quand même l'arrivée à Paris, parce que moi j'y venais deux fois par an à Paris, visiter la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, aller au cinéma à Châtelet, voilà quoi. C'était les deux visites annuelles avec mes parents sur Paris. Et le reste du temps, j'étais dans mon petit village à 40-50 km de Paris. Ça s'appelle comment? Saint-Marc. Ok. Voilà. Et tu en avais marre, c'est peut-être. Et j'en avais marre, ouais. J'en avais ras-le-bol, ça c'est sûr. Et donc, j'ai foutu le camp, je suis arrivé à Paris, là j'ai commencé à squatter à droite à gauche chez les copains qui avaient déjà un peu, soit une petite situation, un petit truc, un petit appartement, ou qui avaient des parents qui n'étaient jamais là mais qui avaient un appartement dans Paris. Non. Donc j'ai commencé à squatter un peu à droite à gauche, où il y avait de la place, sur un canapé, par terre, n'importe où. Et puis surtout à sortir un maximum. Oh, ok. On dit chez nous à foirer. À être un oiseau de nuit. Et tu sais ce que ça veut dire foirer? À faire la fête. Oui, à faire la bringue, comme on dit. Et voilà, exactement. C'est bringuer chez nous. Oh, oui. une vraie bringueuse. Et c'était même pas pour faire la bringue, c'était vraiment pour sortir. Pour voir des gens. Voilà, et voir des gens, et surtout aller dans les clubs et voir des musiciens. C'est comme ça que je me suis retrouvée au Baiser Salé, au Sunset, au Duc des Lombards, tu vois tous ces petits clubs. Mais Sunset comme ça. Existe encore. Ah oui, ça existe toujours. Ah oui, je passais le Duc des Lombards aussi. Ah oui. T'avais plein de petits. Au Gibus. Oui, qui existe encore. Qui existe encore demain. Aussi. Voilà. C'est tout un tas de clubs comme ça qui avaient une réputation, qui m'évoquaient des trucs sans savoir trop. Est-ce que ça représente encore la même chose aujourd'hui? Non, c'est fini. Ils vivent sur leurs acquis, mais ça joue toujours. Mais voilà, c'est souvent été repris par des gens qui se servent de ce fameux passé. Pour faire jouer des gens pour 3 francs 6 sous maintenant. On abuse de l'artiste. Qui n'ont plus le respect De l'artiste. Sous prétexte qu'ils ont eu Uzeb. J'allais voir jouer Uzeb parce qu'ils étaient souvent. Jazz québécois. Voilà, voir ça. Et plein d'autres trucs, mais entre autres, je me souviens d'eux, j'allais voir Mike Stern qui jouait avec. Ou sa femme Lenny Stern avec Alain Caron qui jouait avec j'étais vraiment dans je traînais la nuit et puis c'est comme ça que j'ai fait mes premières jams, mes premiers trucs, mes premières rencontres avec des copains, avec des gens trouvés au bar, des musiciens qui jouent encore de la guitare. Tu connais telle chanson? Non, je connais pas. Tu la bosses pour demain, puis tu reviens, puis on fera une jam, puis on fera un truc, tu vois. Puisque tu veux chanter, vas-y, chante. Just a fool, too blind to see. Didn't realize you silently closed your heart on me. Forever I'll never find such a love like the one we had. Will I ever learn? Some say you read your future. Some say you read your future.